ballon, il est but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ah, salut les filles, je suis content de revenir, hein. Bon, je suis jamais parti. Donc Gilbert qui nous a fait gagner tout à l'heure le film Dos au mur, avec donc, oui. Tu avais dit qu'il y avait qui? J'ai dit, je sais plus. Non, je crois que c'était t'as oublié, Harris, non, non, t'as oublié Laurent Fournier et René Marsiglia, je pense, ah, qu'ils, oui. qui sont à mon avis Dos les mur, acteurs ouais. principaux de ce magnifique film. Fredo. Bazarevitch oui. aussi. Oui, c'est vrai, Bazarevitch, il joue le méchant, évidemment, comme ça, un étranger. Non mais dans les films, tu sais, c'est oui, pas moi, tu me connais. Fredo, là, tu sais que tes amis espagnols là qui commencent un peu à nous les, hein, nous les briser, qui sont jamais contents, là, qui ont mis la devise de la France sur le maillot et qui l'ont souillé. Hein, excuse-moi. Alors, la devise de la France, je voudrais quand même leur rappeler que c'est pas ça la devise de la France, c'est l'euro. C'est aussi la devise de l'Espagne. Et s'ils veulent pas retourner à la pesette, ils ont pas intérêt à nous chercher. Parce que s'ils sont pas retournés à la pesette, c'est grâce à nous, les Espagnols. Il faut pas qu'ils l'oublient. Bref, notre ami Bodibo Maïga, alors qui est revenu avec le palu. Alors en fait. On sait, c'est une méprise, hein. C'est pas qu'il a le pas lu, c'est qu'en fait, c'est une erreur, c'est qu'à chaque fois que tu lui tends un bouquin, il dit j'ai pas lu. Non mais ton contrat là, non j'ai pas lu. Non mais t'as des devoirs là vis-à-vis de ton club là. Non mais j'ai pas lu. Donc forcément après faut pas s'étonner qu'il ait une attitude bizarre. Monaco-Bastia, Gilbert, c'était le duel entre deux anciens finalistes de Coupe d'Europe qu'on revoit avec plaisir, même si c'est en D2. C'est le petit corps, c'est le bling bling Porsche et Rolex, j'ai nommé Gilbert. C'était Jean Bretagne de... Mais non. Mais non, c'était Monaco et Bastia, c'était facile. Le petit Corse, le gros bling bling. Bon, il écoute pas. Ce qui est génial, c'est que j'ai prévu des trucs avec Gilbert, mais comme il écoute pas ce que je fais, c'est un vrai bonheur. Olivier Dacour, qui est, que moi j'admire, hein. Vous savez que moi j'ai une grande admiration pour Olivier Dacour, qui est un grand dresseur, parce qu'il nous a prouvé qu'il avait une façon de dresser. Est-ce qu'on peut écouter Olivier Dacour? Ah si, tu dis à qui? Même au chien, tu le dis mais pas Olivier à qui. C'est vrai. Même au chien, tu dis pas assis. Alors, c'est-à-dire que lui, en fait, Olivier Dacour, quand il dresse son chien, ça fait ça. Non, monsieur Médor, s'il vous plaît. Non, je vous demande de quitter le canapé. Monsieur Médor, non, il n'y a pas de waf qui tienne. C'est mon dernier avertissement, monsieur Médor. C'est comme ça que tu fais? Ah, ça va être vachement efficace, quoi. J'en ai pas. Ah, non, mais ça, je comprends. Jouez, monsieur Médor. Jouez. Ouais, jouez, monsieur Médor. Jouez. J'en ai pas. Jouez. Maillot dans le short. Maillot dans le short, monsieur Médor. Tournez-vous. Tournez-vous. J'en ai pas. C'est mon dernier avertissement verbal. Ah, le PSG. Alors écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Te manque pas. Te manque pas, parce que si tu te manques, moi je vais pas te manquer. Ouais. Tu le sais. Pour le PSG, alors bon, on va passer sur le cas de Ceará. Enfin, maintenant on dit plus Ceará, on dit Ceará. Hein, ah oui, c'est fini. le PSG qui malheureusement n'a pas pleinement profité de la CAN, puisqu'ils n'ont pris que 10 points sur 12 pendant l'absence de Siaka Tiené. Et c'est vrai que son retour risque de coûter cher avec les échéances qui arrivent. Parce qu'évidemment, il y a une clause qui l'oblige à jouer un match sur deux minimum. Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu être possible. Je vous rappelle que son agent, c'est quand même un tueur. C'est le mec qui a convaincu le PSG de lui faire un contrat de 3 ans. C'est quand même l'agent de Saka Tiené. C'est un mec qui pourrait vendre des soins capillaires à Gilbert Bribois, tu vois. C'est un mec très. Il pourrait vendre un poster d'Harry Redknapp à Philippe Auclair, un maillot de Lazio à Didier, l'intégrale des discours dans la Madeleine à Apollo, une bouteille d'eau plate à Fredo. Oui. Je crois qu'il pourrait même convaincre Daniel de s'inscrire à un concours de dunk. Et Olivier Dacour de dîner en tête à tête avec Wahiba Ribéry. Enfin bref, le mec, il est très très fort. Oh. Non, parce qu'on sait que t'aimes les... Ouh, ça lui a pas plu. Oh là, il a pas aimé. Pas aimé. Non, c'est pour dire que t'aimes les belles femmes. Oh là là. Ça dérape. Non, ça dérape. Sarah, sympa. Par contre, non. Je suis marié, s'il te plaît. Pardon? Mais alors, mais j'espère que ta femme est très belle. Ouais. Enfin, du coup, la considère comme très belle. Oh là là, ça dérape. Ça dérape. Daniel, vas-y, rattrape-moi. Non, j'ai rien. Il a rien à dire. Merde, il a des infos. La CAN, la Zambie qui gagne. Alors la Zambie, c'est quand même, ils ont fait quand même, c'est un sacré exploit qu'ils gagnent, parce que il leur manquait quand même deux joueurs qui sont pas venus à la CAN. C'est Samassa et Moussilou, hein, Gilbert, qui sont. Ah non, pardon, je confonds. Ils sont dans l'équipe de Zombie. C'est pas du tout. Oh non, c'est avec l'équipe qui était avec Lucho Gonzalez et Johan Gourcuff. C'est une autre équipe, l'équipe de Zombie, qui sont pas du tout champions. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire qui perd la Coupe d'Afrique, mais quand même. Avec un salaire minimum mensuel de 100 000 euros par mois, c'est-à-dire 100 000 fois plus que les mecs d'en face, la Coupe du Fric, eux, ils l'ont, et ils sont pas prêts de la perdre. La pelouse de Ligue 1 qui fait encore débat, c'est vrai, cette semaine. Mais alors, on dit toujours que on fait des beaux stades, mais on s'intéresse pas assez aux pelouses en France. C'est pas vrai. Parce qu'en France, on est hyper méticuleux, et chaque détail est important, sur le rectangle vert, d'ailleurs. On s'intéresse beaucoup à la teinte de la pelouse. Tu vois, c'est-à-dire qu'on hésitait entre, est-ce qu'on met un petit verre amande, un petit verre bouteille, un petit verre clair, et finalement, on a choisi un verre glacé. Et la pelouse verre glacé, c'est très joli, hein. Le problème, c'est que c'est pas facile pour jouer. Pour ça que moi je pense que la prochaine fois il vaudrait mieux au mercato prendre des mecs comme Brian Joubert et Gwendal Pesra. À mon avis tu feras plus une meilleure attaque avec ceux qui sont là. Je voudrais finir avec Aten Ben Arfa qui est le bah, qui est un petit peu notre vedette puisqu'il est numéro 1 du top du comment t'appelles ça 50, du top 50. Et en fait, on a retrouvé la véritable interview d'Aten Ben Arfa sur le sujet de Abdel Malik. Aten Ben Arfa évidemment traduit hein, en simultané. En simultané. Alors voilà, on a retrouvé le son. Attention. Bonjour Atem, bonjour Aten Ben Arfa. Quoi qu'il y a, tu me cherches là, tu veux te péter? Bonjour, bonjour, c'est un plaisir. Alors Aten, qu'avez-vous à répondre au sujet de la polémique avec le slammer Abdel Malik? Eh, tu sais quoi, l'autre jour, je croise l'autre grattaille là. Tu sais quoi, franchement, il est en bas de la cité en train de faire le kéké avec les deux teupus habillés en babtou là, tu sais quoi? L'autre jour, au détour d'un chemin, je croise le dit monsieur Malik exposant ses idées en compagnie de deux charmantes personnes. Avec des bêtes de huns à la capacité pulmonaire au-dessus de la moyenne. Alors non mais, normal, moi je vais t'aimer à voir avec lui s'il n'y a pas moyen de les faire des tours vite fait les deux dans le rayon légumes d'Illidel. Ou tu sais, là où il n'y a pas de cam de surveillance, tu sais. Je me joins à eux dans l'espoir de trouver un havre de végétation où se laisser aller à débattre de l'amour et de la fuite du temps, loin des regards de la ville. C'est moi, l'autre Bounty, là, il me prend la tétée avec des phrases pleines de COD, de complètement d'agent, là. Là, je capterai, il m'embrouille avec ses trucs de Soufi. Je sais pas quoi, je connais pas, là, je connais pas Soufi, c'est qui Soufi, cette fameuse? Au gré de nos divagations, il me fait partager son érudition et m'éclaire sur un mouvement spirituel dont j'ignorais l'existence jusqu'au simple nom. Après, il m'amène chez un gars chelou, sapé en sac poubelle, il me demande de lui cesser les yep. Ensuite, il m'emmène chez un imam et me propose de m'abandonner à un rite initiatique bucco-pédestre. Ah, j'ai dit, va mourir, hein. Je vais passer sur un cum, je suis pas un jbep, t'es ouf. Je lui dis que je ne peux pas m'adonner à cette pratique religieuse. Je suis pas un jbep, t'es ouf. Je ne partage pas vos convictions. C'est pour ça, vas-y, nique sa mère, casse les couilles. C'est pourquoi j'étais courroucé. Bien, merci à Thème. Merci à Thème et à bientôt. C'est ça, va niquer tes morts. Merci à vous. Voilà, donc enfin je suis quand même content d'avoir révélé la vraie teneur de l'interview. Chanson ou pas? J'ai une chanson très courte. En fait, au départ, je voulais faire une chanson sur Jake Diabaté. Ça faisait shake, shake, shake, shake Diabaté. Mais en fait, bon, ça suffit, ça s'arrêtait là, donc je l'ai pas fait. Et je voulais quand même rendre un hommage à Whitney Houston. Whitney Houston, qui est morte noyée dans sa baignoire après une overdose de barbiturique. Et là, j'ai envie de dire, il était où, Kevin Costner? Hein, il était où? Parce que je vous rappelle que Ironie du sort, elle a été retrouvée par ses bodyguards. Hein. C'est vrai que dernièrement, je l'ai vu physiquement. On était plus proche de garde ton body que bodyguard. Mais fait bon. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on ne plonge pas dans la flotte après s'être gavé de médicaments. Enfin, sauf si on s'appelle Alain Bernard ou Fred Bousquet. Non, évidemment, je plaisante puisque c'est pas eux qui se dropent. Hein. C'est les Espagnols, c'est bien connu. D'ailleurs, c'est une évidence. T'as qu'à mettre Iniesta à côté d'Alain Bernard, tu verras bien que c'est les Espagnols qui se dopent. Mais Juan Carlos Ferrero à côté de Tsonga, c'est évident. C'est les Espagnols qui se dopent. Enfin, je veux dire. Non, entre nous, les mecs, Xavi, Iniesta, t'as plus de chances de les voir dans Arthur et les Minimoys que dans Expandables 2, quand même. Mais bon, visiblement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, nos amis les Guignols. Ont décidé autrement. Et c'est pour ça que j'ai une chanson très courte en hommage à Whitney Houston sur un joueur du LOSC. Attention. 3, 4. On a Lille, nos Landrous. On a Lille, nos Landrous. On a Lille, nos Landrous. Merci, bonsoir.